Si vous voulez dire où est-ce, ça sera... Donde está? Donde está? Donde está? D'accord, donc où est-ce, donde está? Et si vous voulez dire c'est combien, hein, combien ça coûte, ça sera... Quanto? Quanto está? Non, ce n'est pas... Quanto está, hein? Ici, ce n'est pas le verbe estar, mais... Ah, quanto es. Oui, c'est ça. Hein? Quanto es, c'est combien. Vous demandez ici le prix de quelque chose. Hein? Il s'agit là d'une caractéristique. Donc, on emploie es, hein, du verbe ser. Tandis que quand il s'agit de dire où, c'est estar qu'on emploie. Donc, où es, donde está? Où êtes-vous, hein? Usted, où est-il, où est-elle, donde está? Avec comment, c'est intéressant, parce que si la question porte sur les caractéristiques de quelqu'un ou de quelque chose, il ou elle est comment, ou c'est comment, on emploiera ser, hein, parce qu'on s'intéresse à ce qui le caractérise. Comment est-ce? Ce à quoi on répondra, c'est grand, elle est sympathique, etc. Tandis que si on s'intéresse à l'état de quelqu'un ou quelque chose, alors on emploiera estar. Comment está? Comment c'est? Comment va-t-il? Comment va-t-elle? Comment allez-vous, hein, usted? Ce à quoi on répondra par exemple, il est fatigué, c'est cassé, etc. Donc, pour en revenir à notre phrase où est-ce, on emploie estar et il ne s'agit pas d'une caractéristique permanente. Donc, estar, donde está, qui veut dire aussi dire où êtes-vous, hein, usted, où est-il, où est-elle, donde está. Et trouver se dit encontrar. Ça ressemble au verbe rencontrer, mais sans le R initial. Donc, encontrar, trouver. Alors, je ne peux pas le trouver. No puedo. No puedo, hein? No puedo le trouver. Encontrarlo? C'est ça, hein? No puedo encontrarlo. Et je ne sais pas où c'est. No sabo. Ah, ce n'est pas sabo, hein? Mais c'est un cas un peu particulier. Pour dire je sais, c'est un mot très court. C'est C'est ça, hein? C'est je sais. Donc, je ne sais pas, no sé. Hein? Je ne sais pas. Où c'est? Donde está? D'accord. No sé donde está. Et je ne peux pas le trouver. Pouvez-vous me dire où il est? Je ne peux pas. No. Puedo. Encore une fois, no... Puedo. No puedo, oui. Le trouver. Encontrarlo. Essayez encore. Encontrarlo. C'est ça, hein? Le lo est accolé, hein? Il est attaché à encontrar. Donc, on dit encontrarlo, hein? Tout attaché. Encontrarlo. Encontrarlo. Oui, mais je voudrais quand même l'entendre, hein, ce lo, encontrarlo, encontrarlo. Hein? No puedo, je ne peux pas, encontrarlo, le trouver. No puedo encontrarlo. Pouvez-vous me dire où il est? Puede. Bien, puede, me dire. Decirme. Me dire, c'est decir... Decirme. C'est ça, hein? Puede decirme où il est. Donde está? D'accord, hein? Alors, encore une fois. Puede. Puede decirme. Mm-hmm. Puede decirme où il est. Donde. Donde. Donde está? Está, hein? D'accord. Donde está? Puede decirme donde está?